L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Just Move It fait son show, c'est la première édition d'un gala de danse qui va se dérouler le samedi 24 juin à Pompey au Centre Socio-Culturel. Justine, bonjour. Bonjour. Vous êtes prof de danse pour l'association Just Move It et participez bien sûr activement à la réalisation de ce premier gala qui va se dérouler ce samedi 24 juin à Pompey. Que pouvez-vous nous dire sur l'association Just Move It ? On fait notre spectacle de fin d'année ce samedi. Donc, c'est une toute nouvelle association qui a été créée l'année dernière et qui est en activité que depuis septembre. Et on propose tout ce qui est danse moderne, street dance, pole dance et break dance aussi. Combien de danseurs ont rejoint votre association depuis sa création ? Depuis le début, on a la chance d'avoir eu 85 adhérents, voilà, répartis dans toutes les activités qu'on propose. Alors, ce gala, c'est le point d'orgue de votre première année d'existence pour l'association Just Move It. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce 24 juin à Pompey ? Eh bien, on a prévu des démonstrations. Donc, pour des groupes, il y aura plusieurs démos, justement, et quelques petites surprises avec la collaboration de Street Harmony, où on a Jenny, justement, qui vient présenter le spectacle tout au long de, pendant 2 heures. Et du coup, on vous réserve aussi du chant. Il y aura du mélange entre la pole dance et la danse moderne et du break dance. Voilà, c'est notre petit clin d'œil. On essaye vraiment de diversifier notre spectacle et c'est vraiment ouvert à tout le monde, des plus petits à partir de 3 ans jusqu'aux adultes. Dans les danseurs, il y a des enfants aussi ? Oui, on a le groupe des toutes petites qui ont entre 3 ans, 3 ans et demi, ça va jusqu'à 6 ans, après de 7 à 9 ans, et après vous avez les pré-ados, les ados. Les adultes aussi. Pour certaines, c'est leur premier spectacle. Elles se lancent pour la première fois, donc je vous avoue qu'elles ont un peu le trac. Vous avez cité plusieurs styles de danse. Est-ce qu'il y a un style qui rencontre un plus vif succès qu'un autre ? Oui, c'est vrai que la danse moderne, on a la chance d'avoir plus d'adhérents pour la danse moderne. Après, la pole dance se fait connaître doucement, c'est-à-dire que c'est en milieu rural. Et généralement, on trouve ça sur Nancy directement. Et là, on a proposé une activité qui se déroule, elle, par contre, à Custine, à la Tour Lorraine Bien-être. Et c'est assez cocooning, c'est vraiment sympa comme lieu déjà. Et les cours sont ouverts à tous. Alors, ce gala, ça va être l'occasion de faire connaître l'association et puis de peut-être avoir encore plus d'adhérents pour la prochaine rentrée. Et oui, on le souhaite, on espère. Après, on va essayer de se développer donc pour toucher aussi le public senior. Donc là, à la rentrée, on met 3 nouvelles activités. Il y aura du step, il y aura de la gym d'entretien et un nouveau cours, ça s'appelle détente bien-être. Donc c'est basé vraiment sur l'automassage, la respiration, le yoga. On va essayer de jouer sur ça tout au long de l'année. Donc, une toute jeune association, Just Move It, qui organise son premier gala de danse. Ce sera ce samedi 24 juin à Pompey. Je vous laisse redonner toutes les infos pratiques concernant cette soirée. Alors, c'est au socioculturel à Pompey. Donc, pour toute information, n'hésitez pas. On a un compte Snapchat, un compte Facebook. On a aussi, on est aussi sur un site internet. Donc, c'est Just Move It à Bouxières aux Dames. Voilà, avec toutes les infos, n'hésitez pas à nous ajouter. Sachez enfin que lors de cette première édition du gala de danse de l'association Just Move It, une tombola sera organisée, tarif unique 3 euros. Et l'adresse du Centre Socio-Culturel de Pompey, c'est 59 avenue du Général de Gaulle. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.